Ton adresse, j'ai des tas de problèmes. Mais ça va, je m'en sors, postiché quand je promène. Oh, faut moi sur le Prada, quand je sors avec madame. Désolé si je fais le fantôme, tu comprendras plus tard. Je vous jure que je vous parle plus si je promets. Vous êtes plein de poussettes et vous faites les étonner. Pense à vous, même quand je dors, j'ai envie de vous chiffonner. Ils parlent de ma life, moi sans qu'est-ce qu'ils connaissent. Je pense à eux, même quand je je sais que mon cœur c'est de l'or. Ah, je suis postiché quand je sors. Je vais faire un tour au vieux port. Ah, vous êtes des fous, vous. Personne me dit ce que je dois faire. J'ai deux coups d'avance, mon sang mêle pas de tes affaires. Vous. Personne me dit ce que je dois faire. J'ai deux coups d'avance, mon sang mêle pas de tes affaires. Poussez-vous. Pour eux je fais ci, je fais ça, je sors la zerg et tout. Ils me racontent la vie des autres, trop entre nous c'est cuit. Je vous aimais trop les gars, on se connaît depuis tout petit. Mais vous êtes tous les gars, je vais faire mes sous, c'est dit. Je les aimais d'homme, mais y'en a, ils s'en fous. Nique les problèmes, toi le mic, je sors tout. Pense à eux même quand je dors. Moi je sais que mon cœur c'est de. Je suis postiché quand je